Bonjour tout le monde, je m'appelle Boss Moon et aujourd'hui je suis venu vous parler du dihydrogène. C'est un moyen d'arrêter le pétrole et potentiellement d'arrêter la guerre au Moyen-Orient. Notre société est très friande en énergie et nous en consommons de plus en plus. Nous brûlons des quantités croissantes de pétrole malgré sa pénurie annoncée et son impact écologique désastreux. Cette réaction permet de créer un carburant plus puissant et plus propre. Le dihydrogène, H2. Tout commence par l'acide formique, HCOOH. L'acide formique est un liquide sécrété par les fourmis, merci. Elles s'en servent comme arme pour combattre les ennemis de la fourmilière. C'est un liquide avec un pH d'environ 2, donc très acide. Il faut récupérer ce liquide et le mettre en présence de ruthénium. Le ruthénium est un métal de la même colonne que le fer. On le trouve dans les profondes mines africaines car c'est un sous-produit de l'extraction du palladium. Il possède 44 électrons et coûte environ 1,40$ le gramme. Il faut ensuite chauffer à 80 degrés Celsius et on obtient la formation de deux gaz. Le dioxyde de carbone, donc ça c'est pas super, et le dihydrogène. Voilà le carburant de l'avenir. Le dihydrogène H2 est plus puissant que le méthane, plus puissant que l'éthane, plus puissant que le propane, le butane, le pentane, l'hexane, l'heptane et l'octane, plus puissant que l'essence la plus pure et totalement propre. Car quand il se brûle, il donne 3 fois plus d'énergie que le pétrole. Ah ouais, il donne de l'eau, pardon. Il est totalement propre car quand on le brûle, il se dégage de l'eau. Merci. Bon, donc là j'arrête de jouer 2 minutes parce que c'est très important. Quand le dihydrogène entre en contact avec l'air, il explose. Et lorsqu'il explose, ça provoque une colonne de feu car il est bien plus léger que l'air. Mais ce qui est important, c'est que si vous avez la moindre faille, le moindre défaut dans votre montage, vous serez responsable de mort et destruction. S'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous. C'est très dangereux. Demandez à votre gouvernement de le faire. Madame Royale, je sais que vous n'avez pas beaucoup de pouvoir ni de crédibilité, mais il est inutile de croire que l'on pourra sauver la planète avec des taxes. Ça ne fait que retarder l'échéance. Je prie de tout mon cœur pour que le H2 soit la voie qui... La différence entre la pauvreté et l'abondance. Le moyen pour l'humanité de vivre en harmonie avec la nature, laisser une chance à nos descendants et acquérir le statut d'espèce immortelle. Merci. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Des questions ? Ah non, moi je... Est-ce que vous avez tous bien compris ? En fait, on récupère de l'énergie avec une source renouvelable. Du dihydrogène, de l'acide formique. L'acide formique est à l'état gazeux. Ouais, il peut se liquéfier si on rajoute de la pression, il n'y a pas de problème. Et si tu refroidis aussi. Ouais, il faut une bonne fourmilière. Mais l'avantage, c'est qu'on ne les tue pas. Il suffit d'attaquer les fourmis, genre avec des éponges, et après de les récupérer, et après d'écraser. On a aussi de l'acide formique dans les orties. Sur les poils urticants, sur les feuilles des orties, c'est de l'acide formique. Donc c'est une autre source renouvelable. Avec ça, on a juste besoin d'un petit bout de métal qu'on appelle le ruthénium. Et on peut produire de l'énergie. C'est des ressources qui existent et qui ne sont pas utilisées à cause des lobbies du pétrole, etc. Des questions ? C'est quoi la recette ? Tu peux répéter ? Acide formique, ruthénium, 80 degrés. Voilà. D'autres questions ? Ça se trouve où ? Ouais, ça se trouve où ? Ça pousse comment ? Alors, l'acide formique, on le récupère sur les orties ou sur les fourmis. Et le ruthénium, on le récupère dans les mines africaines. C'est un sous-produit de l'extraction du palladium. Et bon, on a juste besoin d'un tout petit bout de métal pour faire la réaction à l'infini, parce que c'est un catalyseur. Il n'est pas produit de la réaction. Comme vous pouvez le voir, il est sur la flèche. Il n'est pas consommé par la réaction. Un petit bout de métal, ça suffit, et après on a juste besoin d'alimenter le truc en acide formique. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce Est-ce que ça suffirait à remplacer le pétrole ou il faudrait quand même économiser l'énergie? Ça suffirait à remplacer le pétrole pas tout de suite. En plus, c'est compliqué à mettre en œuvre parce que ça explose. Donc, il y a encore des recherches et il y a plein d'ingénieurs au chômage en France qui travaillent là-dessus. Mais au final, de toute façon, à un moment ou à un autre, tu n'auras plus besoin de pétrole. Et à ce moment-là, il faudra d'autres sources d'énergie. Là, on a des ressources qui existent déjà. On a déjà la technologie pour les exploiter. Mais on choisit de pas le faire pour des raisons économiques. À cause des lobbies, etc., etc. Donc oui, ça peut. Si on le fait maintenant, on peut peut-être même arrêter la guerre au Moyen-Orient. C'est quoi la deuxième question ? Ouais, mais je vais pas te mentir, hein, les gens ils veulent utiliser de l'énergie. Hein. Les pays émergents ils se développent, on utilisera toujours plus d'énergie en tant qu'être humain. Mais oui, après il y a d'autres moyens. Est-ce que ça coûte cher à produire ? Bah. Ouais, 1,40$ le ruthénium, mais ça c'est les cours en ce moment, tu vois. Mais quand ça sera plus rare, ça coûtera plus cher, ouais, j'avoue. Le prix du ruthénium va monter. Investissez, c'est le moment. Et par contre, une fourmilière, ça coûte rien à entretenir. Et des orties, c'est pareil, ça pousse sur les déchets, donc ça coûte rien. Et en plus, ça permettrait de réhabiliter des vieilles décharges, des trucs comme ça. Pour faire de l'énergie, c'est magnifique! Ouais, je voulais savoir si la combustion de ce matériau entrait dans un cycle de renouvellement et quel était son impact sur l'environnement. La combustion, dans ce cas-là, c'est le dihydrogène qu'on va brûler après pour récupérer l'énergie. Et quand tu brûles du dihydrogène, ça donne de l'eau. En fait, c'est l'impact sur l'environnement, au final... Je peux pas dire, parce que si tout le monde l'utilise, c'est vrai qu'après il y aura peut-être plus d'eau dans l'atmosphère, il y aura peut-être plus de nuages, ça va peut-être tout changer. Mais moi je pense que plus on a de sources d'énergie différentes, et moins on a d'impact sur la planète au final. C'est ça le but de la pensée, et le fait de savoir qu'il y a des sources d'énergie qu'on n'exploite pas. Voilà. Parce que à partir du moment où... quand t'as un impact sur l'environnement, c'est à partir du moment où on fait que utiliser une seule ressource et forcément ça change tous les équilibres. C'est parce que là on abuse du pétrole jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à la fin de la cuve. Et d'ailleurs ouais, c'est pour ça qu'on met des pots catalytiques dans les voitures, parce que comme on est sur les fins de la cuve, on se retrouve avec du pétrole bien dégueulasse avec plein de métaux lourds dedans. Et les pots catalytiques ils sont faits à partir de ruthénium. Vous pouvez récupérer du ruthénium dans les pots catalytiques des voitures. Question suivante. Ouais. Qu'est-ce qui reste après ? Enfin, il reste encore un carbone et un hydrogène. Il se transforme en quoi ? Eh ben, le carbone va s'accumuler dans l'atmosphère. Et l'hydrogène, on va le brûler pour donner de l'eau. Et je sais que ça produit du CO2. C'est pas... Non, non, non, ouais. Le CO2, ok, il va dans notre atmosphère, ok. Mais le H2, après nous on va le brûler, ou on va le mettre dans une pile à combustible, et au final ça va donner de l'eau. Après, par rapport au CO2, en fait comme je l'ai dit dans mon speech, brûler 1 litre de dihydrogène, ça donne autant d'énergie que 3 litres d'essence. Donc en fait, pour obtenir la même énergie, au final on produirait 3 fois moins de CO2 si on utilisait cette méthode plutôt que de brûler directement du pétrole, quoi, de l'essence. Hein. Tu vois le délire ? Question suivante. Non, non, pas encore. Est-ce que c'est pas dangereux pour les fourmis ? Eh bien non, on a juste besoin de les attaquer. Avec des éponges et après elles se défendent. Elles jettent dessus comme ils sont certainement. D'accord. Bon, après il y aura de l'exploitation de fourmis, il y a des fourmis qui vont mal de vivre. D'accord. Donc ça perturbe leur mode de vie. C'est juste un élevage de plus pour les humains. D'accord. Qu'on a sur la place aujourd'hui. Si le palladium on le trouve dans les mines d'Afrique, c'est... T'es trop près de l'enceinte. Si on le trouve dans les mines d'Afrique, les mines elles appartiennent à qui? Parce que sinon ça ferait quand même des conflits. Ça ferait quand même des conflits si elles sont dans les mines d'Afrique aussi. Et c'est une excellente question à cause du Centrafrique. À cause de toutes les mines en Afrique, je sais pas si t'as vu le documentaire Le cauchemar de Darwin. C'est vraiment toujours un désastre écologique et économique et social. C'est toujours un désastre, une mine dans un pays. Et malheureusement, il n'y a qu'en Afrique qu'on a pu exploiter les gens pendant des générations et des générations pour atteindre des profondeurs aussi, aussi dingues. Mais en réalité, si on trouvait par exemple des matériaux nus de l'uranium, on pourrait trouver ça en France. Il suffit de creuser assez profond. Et plus on sera au centre de la Terre et plus on tombe sur des... Enfin, voilà. Donc, dans l'absolu, ce que je voulais dire, c'est que le ruthénium, il n'y en a pas beaucoup sur Terre. Mais de toute façon, il faut l'utiliser d'une manière ou d'une autre, même si les stocks ils sont contrôlés par les mauvaises personnes. Au final, ce qui compte, c'est l'humanité. Il faut que l'humanité utilise cette ressource. D'autres questions. Oui, excuse-moi, j'étais un peu dispersé. Pourquoi il faudrait exploiter le plutonium? J'ai pas compris. Ce que je disais, c'est que si tu veux récupérer du ruthénium en France, du plutonium en France, c'est possible, il suffit de creuser assez profond. Au final, des matériaux radioactifs, il y en a partout sur Terre, il suffit de creuser assez profond. C'était juste ce que je disais. Aucun rapport avec ça, c'était une digression, pardon. Ouais, non, je pensais pas. La question. En termes écologiques, les fourmis, ça risque pas de leur atteindre préjudice? Bah, il y aura toujours des fourmis sauvages, hein. T'en fais pas pour l'espèce des fourmis. Après, il y aura des fourmis, des élevages de fourmis, et il y aura des gens pour dire que c'est inhumain. Et voilà. Je suis désolé s'il y a des spécistes parmi nous. Mais des anti, ouais, du coup, des anti. Du coup, c'est l'autre. Ouais. Après l'élevage de fourmis, on sait le faire depuis longtemps, hein. Une fourmilière pour les gamins, c'est facile. Mais bon, de toute façon, il y aura toujours des fourmis sur Terre, donc autant en profiter et les utiliser, quoi. Voilà. Quelqu'un a des questions? Est-ce que vous avez tous compris la morale de l'histoire? Ça tient en quelques mots. On n'a pas besoin de pétrole. On n'a pas besoin de pétrole. Ouais. Tu peux réexpliquer? Qu'est-ce qui bloquerait actuellement sa mise en place? Les lobbies. Parce qu'en fait, le ruthénium, ça je ne vous l'ai pas dit, parce qu'en fait, cette réaction, elle ne marche pas. Il faut préparer le ruthénium d'une certaine manière pour qu'il joue son rôle de catalyseur et pour que la réaction soit possible. Et pour cette manière de préparer le ruthénium, il y a un brevet dessus. Ça a été trouvé par l'IRD il y a 2 ans. Et il y a un brevet dessus qui a été racheté et qui est maintenant bloqué quelque part. On n'entendra plus jamais parler. Mais ça, c'est... Voilà, comme d'hab. On vit une ère d'obscurantisme économique. Avant, c'était l'obscurantisme religieux. Pour des questions religieuses, on empêchait les gens d'apprendre et d'accéder aux technologies. Et maintenant, c'est pour des questions... Maintenant, c'est aux questions économiques. C'est purement... purement pour garder un monopole, pour garder de la puissance. Ouais. Il y a toujours eu des gens. Ouais. Le ruthénium, honnêtement, pour le retravailler, c'est pour l'utiliser. Ok, par rapport au ruthénium, il y a encore un autre truc que je vous ai pas dit. Voilà. Qu'est-ce que tu crois? J'ai plein de surprises. Bah, je voulais pas rentrer trop dans les termes techniques dès le début, tu vois, c'est ça le truc. Sinon, les gens ils suivent pas. Alors, le ruthénium, il est là. Ok? Il est dans la même? Oula, attends 2 secondes. Est-ce que tu peux tirer le pied, s'il te plaît? Merci. Le ruthénium, il est là. Il est dans la même colonne que le fer. Ok? Et il est dans la même colonne que l'osmium. Et cette réaction, elle est possible avec un catalyseur à base d'osmium aussi. Ça, je vous l'ai pas dit. Et ça veut dire qu'avec les avancées de la recherche, on pourrait imaginer qu'un jour, on arriverait à faire cette réaction avec du fer. Et là, ce serait la panacée. Là, ce serait énergie pour tout le monde. Voilà. Bah non, mais c'est un premier pas vers les communautés autogérées. Comme ça, chacun pourrait avoir sa propre indépendance énergétique. Alors, j'ai juste reçu un petit message qui dit « Action de soutien au postier en lutte, rendez-vous 18h à la gare RER Saint-Denis et ramenez vos papiers d'identité. » Merci. Le ruthénium, comme il... Ouais, il n'y a pas besoin, on m'entend. Non, comme ça, je peux jouer de base. L'enregistrement. Quel enregistrement? Il y a du micro. Ouais, t'es fou, toi, ou quoi? Il n'y a pas de film. T'as pas dit ton nom, t'as pas dit ton nom, c'est bon. Ouais, salut, c'est moi. Non, le ruthénium, là, pour pouvoir l'utiliser, il faut le retravailler. Est-ce que ça fera pas la même réaction que si, au niveau conséquences à la suite, comme l'uranium, qui est retravaillé pour pouvoir être utilisé? Bah, premièrement, le ruthénium n'est pas radioactif, donc ça n'aura jamais les mêmes conséquences. Deuxième, non, non, on est sûr qu'il n'est pas radioactif. C'est un matériau. Et non, non, en fait, pour le retravailler, ok, encore un truc que je vous ai pas dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il faut que je retrouve mon feutre, attends, ça arrive. Ok. Donc en fait, le ruthénium, il faut juste le broyer en très fines particules et l'entourer d'un cycle qu'on appelle un TPPS. C'est un genre de couronne comme ça qui fabrique dans les laboratoires de chimie organique. Tac. Tac. Bon, c'est un truc beaucoup plus complexe que ça en vrai. Mais en fait, il faut mettre le ruthénium au centre d'une molécule qui est fabriquée dans un laboratoire de chimie. Et cette molécule, vous et moi, on peut pas la faire parce qu'on n'a pas un laboratoire de chimie. C'est ça. Après, par rapport... L'assemblage. Ouais. L'assemblage. L'assemblage de trucs... est-ce que c'est polluant du coup, c'est ça que tu veux... Ouais. Le travail de laboratoire pour obtenir cette molécule. L'utilisation du ruthénium modifié avec... Ça a un impact. Je vais pas te mentir, il y aura toujours un impact. Il y a aucune industrie qui est 100% propre. Après le truc, c'est que du ruthénium, il n'y en a pas tant que ça. Donc au final, cette réaction, on va la faire juste une fois pour le ruthénium. C'est plus l'industrie de récupération. Même si c'est juste des fourmilières, il y aura quand même de la pollution qui viendra de là, de l'acide formique. C'est plus ça qu'il faut s'inquiéter, je pense. Mais. Alors, peut-être tu vas pouvoir me dire un peu plus, parce que moi, j'ai passé qu'un bac scientifique, pas plus. Hein. À peu près, ouais. Je connais à peu près ça, les molécules et compagnie. Alors, je sais pas si t'as entendu parler, il y a un mec, bon, alors, c'est dans une boîte de nuit à la base, hein, mais bon. En fait, je crois qu'il y a un peu trop d'eau, mais bon. Il a mis, en fait, au sol des capteurs qui fait que, en fait, avec l'énergie que nous produisons nous-mêmes en nous déplaçant, on arrive à récupérer l'énergie qu'on développe au sol par des capteurs. Et en fait, l'énergie humaine suffit à nous alimenter en énergie, quoi. Et c'est des choses qui pourraient être développées sur la place de la République, vu qu'on est nombreux et qu'on bouge tout le temps sans arrêt, dans les gares, les aéroports. Et j'imagine qu'il y a à un moment donné un surplus d'énergie, tellement on en produit aussi. Peut-être que tu peux un peu nous éclairer sur ce point-là. Ouais, c'est une technologie qui existe, qui s'appelle les matériaux ferromagnétiques. C'est le même principe que les silex où, je sais pas si vous voyez, dans les fours, t'appuies sur un bouton, ça frotte un petit étincelle. Bah, le principe, c'est récupérer l'énergie de ça. Et il y a des études qui sont faites, ils travaillent là-dessus. Ça fait plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de recherches dans la chimie verte. Mais ça rejoint un peu le point que je disais tout à l'heure. Plus on a de sources différentes, et moins on a d'impact sur la planète. Mais après, juste ça comme technologie, ça permet de récupérer un peu d'énergie, mais ça alimente pas tout le monde non plus. Il faut faire ça, plus un autre truc. Ouais, mais c'est bien aussi parce que là. Ouais, non, mais il y a pas de mauvaise énergie à récupérer. Si, et peut-être. Si, peut-être. Un truc qui récupère le plastique et chauffé à une certaine température recrée du pétrole. Ce qui fait qu'on peut arrêter le pétrole et aussi recycler le plastique qu'on a accumulé depuis trop de générations. Et il y a des algues aussi qui transforment le CO2 qui transforment les gaz des usines en pétrole, justement. Mais après, on continue d'utiliser du pétrole, du coup, c'est un peu au rebours, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais dans l'idée, on pourrait arrêter le pétrole, juste finir de recycler nos putains de déchets qui prennent. Et après, passer à quelque chose de. Ouais. Mais recycler au passage, c'est peut-être pas mal non plus. Ouais. Après, faut pas se leurrer, l'industrie du recyclage est aussi polluante. C'est, en fait, on fait toujours du déplacement de pollution quand tu cherches bien. C'est toujours du déplacement de pollution au final. C'est normal, hein, tout se transforme, quoi. Y a rien de secret, rien de se perd. Bref. Est-ce que. Ouais. Ouais, ça se tient. Du coup, question. Toi, tu parles depuis tout à l'heure, t'es chaud. Bah non, je te pose des questions pour être au courant. On va parler plein de temps. Est-ce qu'il y a des scientifiques dans la salle, dans l'assemblée? Quoi, scientifique? Quoi? D'accord. Ok. Bon, bah, je m'en fous, il y a des nouveaux gens qui sont arrivés, je vais refaire mon speech. Hein. Alors, le principe c'est, on récupère de l'acide formique, c'est un liquide qui est sécrété par les fourmis. On le met en présence de ruthénium, c'est un métal de la même famille chimique que le fer. On chauffe à 80 degrés et on obtient du CO2. Et du dihydrogène. Et le dihydrogène, ça explose 3 fois plus fort que le pétrole. Le dihydrogène, quand tu le brûles, ça donne de l'eau. Enfin, c'est magnifique. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, ça, il faut vraiment. C'est pour ça que je pense que c'est mieux que ce soit le gouvernement qui le fasse. Ok, il n'y a pas que les fourmis qui produisent du dihydrogène. Il y a les orties aussi. Bah, y a toujours une fascination des scientifiques pour les fourmis. Moi, j'aime bien les fourmis, c'est tout. On les connaît bien, les fourmis. Hein. Vous avez pas lu Bernard Werber ou quoi? Quand il y a un scientifique, généralement, il y a un Ouais, c'est l'IRD qui a trouvé ça. Mais à chaque fois qu'il y a une découverte vraiment significative qui sort, le brevet, il est racheté et il est mis sous clé après. Mais c'est plus sur le dark web que tu peux trouver des moteurs à hydrogène, des trucs... Mais il y a déjà des moteurs à hydrogène qui existent. Ah ouais, au Palais de la Découverte. Juste vous entrez au Palais de la Découverte, vous avez tout droit, vous tombez sur un moteur à hydrogène, ça existe déjà. Et on utilise de l'hydrogène pour envoyer des fusées dans l'espace. C'est un carburant qui s'appelle l'ergol. Enfin, le dihydrogène, c'est déjà utilisé, c'est déjà une technologie. En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est déjà une technologie qui est connue, maîtrisée, et qu'on choisit de pas utiliser pour des raisons économiques. Ouais, c'est ça, hein, pour garder le monopole. Hein. Question ? Bah, du coup, t'as besoin d'une fourmilière ou d'ortie et juste un bout de métal, le ruthénium. Et tant que t'as du métal, tant que t'as du ruthénium, la réaction elle tourne à l'infini. T'as juste à mettre de l'acide formique. Donc, non, ça coûte rien au final. Un petit village bien organisé pourrait le faire. Et là, ils seraient indépendants de leur état et. Ouais, c'est un autre. Une autre... Le ruthénium est. Non, on le trouve dans les profondes mines, soit en Afrique, soit en Amérique du Sud. C'est un sous-produit de l'extraction du palladium. Voilà, c'est de l'extraction. Mais après, le truc, c'est que cette réaction, on peut la faire aussi avec de l'osmium. Bon, c'est rare aussi. Non, c'est dans les vraies mines, des fosses où ils ont exploité les gens pendant des générations et tout. C'est assez hardcore ce qui se passe dans les mines. Ouais. Après, il y en a. C'est déjà, ça existe. On le vend déjà dans l'industrie, dans les pots catalytiques des voitures. Voilà. D'autres questions? Ah si, ça coûte 1,40$, ça je l'ai pas dit. Le gramme. Franchement, une fois que t'as acheté du ruthénium, après les fourmilières ça coûte pas cher à entretenir. Les orties, c'est pareil, ça pousse sur les décharges, donc ça coûte pas cher non plus. J'ai pas fait les calculs précis pour te dire la quantité. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que brûler 1 litre d'hydrogène, ça donne autant d'énergie que brûler 3 litres d'essence. Donc, si tu vois, avec un litre d'essence dans ta voiture, tu fais tant de kilomètres. Avec 1 litre de dihydrogène, tu fais 3 fois plus. Donc là, en l'occurrence, moi, ce que je pensais pour les voitures, ce serait de mettre un bout de ruthénium dans la voiture et faire le plein avec de l'acide formique. Comme ça, on brûle le dihydrogène au fur et à mesure qu'il est créé. Et ça diminue les risques. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Ça fait longtemps que j'ai réfléchi. Ça dépend du bon vouloir, et ça, le bon vouloir, c'est pas un truc qu'on trouve facilement de nos jours. Bah ça, au final c'est simple. Une fois qu'on a du ruthénium, tu fais un petit truc comme as, tu vois, c'est hop. Là t'as un bout de ruthénium, là t'as de l'acide formique H, tu chauffes, et là t'as le H2 qui va sortir, et là t'as le CO2 qui va sortir. Bah, c'est facile à mettre en œuvre une fois que t'as un bout de truc. Bah, après, il faut que le montage soit totalement totalement hermétique et sûr, parce que quand le dihydrogène entre en contact avec l'air, ça explose. Et du coup, c'est très dangereux. Il faut pas il faut pas faire ça à la maison. Il faut demander à votre gouvernement de le faire. Oui. Oui. Oui. Oui, mais c'est pas. Non, c'est, en fait, c'est, il faut pas rigoler avec ça, parce que forcément, même si ce que je vous dis, ça marche, même s'il y a une vraie transition au dihydrogène qui va se passer, il y a forcément des gens qui vont mourir. Dans l'eau, il y aura des accidents. C'est une énergie qui est très instable. Enfin, dès que c'est en contact avec l'air, ça explose. Donc, ça, les contraintes à mettre en œuvre, c'est très très difficile. Bah, l'extraction, elle n'est pas dangereuse tant que le montage est fiable. Si le montage n'est pas fiable, c'est pour ça, faites pas ça chez vous. Hein. C'est. Oui, non. Tu peux creuser longtemps, je pense. Hein. C'est ça le délire. Est-ce que t'as des questions, toi? Tu viens d'arriver. T'as rien suivi, elle, t'as une question. T'as rien compris, je suis sûr que t'as plein de questions. Attends, je te refais le speech si tu veux. J'en ai rien à foutre. Alors, ça c'est de l'acide formique. Ok. Il faut, c'est un liquide qui est sécrété par les fourmis. Ouais, tu peux t'approcher. Hein. Tu sais, quand t'attaques des fourmis, elles crachent un liquide jaune là, qui sent fort. Je sais pas si t'as déjà mis ta main sur une fourmilière ou. Enfin bref. Tu récupères ce liquide. Attends deux secondes. Tu récupères ce liquide et tu le mets en présence de ruthénium. Le ruthénium, c'est un métal qui existe, qui est déjà vendu, qui est déjà utilisé dans l'industrie. Et ça donne du dioxyde de carbone, donc ça on s'en fout, et du dihydrogène. Et le dihydrogène, ça explose trois fois plus fort que le pétrole, et quand tu brûles du dihydrogène, ça donne de l'eau. Donc voilà. C'est bon, t'as compris le délire? Ok. T'as des questions? Non, j'ai rien. Ah, une question. Le ruthénium, ouais. Tu l'obtiens comment? Le ruthénium. Alors, il y a deux méthodes pour récupérer, il y a deux méthodes propres pour récupérer de l'acide formique. La première méthode, c'est de se couvrir d'un vêtement avec des éponges et de courir dans un champ d'ortie. Ok ? Et après, tu écrases les vêtements et tu récupères l'acide formique qui était sur les feuilles des orties. La deuxième manière de récupérer de l'acide formique, c'est de mettre une éponge sur ta main et attaquer une fourmilière. Et il y a des fourmis, s'y mettent à tout, toutes les ouvrières, elles vont te cracher leur acide formique sur la main. Après, tu écrases l'éponge. Voilà. Donc, après, il doit y avoir d'autres méthodes. Il y a sûrement d'autres sources naturelles d'acide formique que je connais même pas, mais qui existent. Et le truc, c'est que il pourrait y avoir beaucoup plus d'avancées sur ce domaine, mais c'est bloqué, quoi. Ils ont pas les fonds, les mecs. C'est pas qu'ils ont pas les fonds, c'est que pour eux, ça obtient rien. Bah, pour le scientifique, il a pas les fonds. Pour le propriétaire des puits de pétrole, ouais, ils obtiennent rien. Et le problème, c'est que maintenant, on fait la guerre pour le pétrole, alors que on a des fourmis, quoi, putain. Je sais pas. Est-ce que quelqu'un a une question? Ouais. Ok. Alors, moi je pensais faire l'électrolyse de l'eau avec soit des murènes électriques, soit des anguilles électriques, pardon, soit la foudre. Le principe c'est juste il y a un courant qui traverse une bobine et ça on le met dans l'océan. Et une fois que le courant est passé, il y a quelques électrons qui vont rentrer dans l'eau et faire l'électrolyse de l'eau. Du coup, il y aura du dihydrogène et du dioxygène qui sera émis. Et on peut récupérer le dihydrogène parce qu'on a des matériaux pour ça. On a des polymères qui sont étudiés pour récupérer le dihydrogène. Donc ça, c'est encore une autre source naturelle qu'on pourrait utiliser. Il faut juste brancher un paratonnerre à une bobine et la mettre dans l'eau. Tu vois, c'est facile. Mais c'est dangereux. D'accord. Sur les anguilles, il n'y en aura plus. Ah, mais si, on pourra faire des bonnes anguilles OGM de laboratoire, mon frère. Des trucs de compète, des trucs qui te lâchent du. Ouais, ça c'est un autre délire. Ça. Allez. Question? Bon. Bah, ça fait un plaisir. Quelqu'un veut me tenir le micro pendant que je joue de la basse? Parce que si je le lâche, il va. fait. C'est pour ça que je l'abasse. Est-ce que vous avez des questions? Hé, hey, Jordi, est-ce que tu sais qu'on n'a pas besoin de pétrole? Remarque, il y a quelque chose à dire. Bah là, du coup, c'est la fin d'un d'après. On commence. Alors, tu vois le mec... Il y a le prochain qui arrive. Ah c'est bon, c'est... Voilà. J'ai mis mon temps de parole, je peux le faire. Du coup, ouais.